Personne ici peut dire qu'il est parfait, encore moins ceux qui font preuve de lâcheté. Le temps avance n'effacera pas nos excès. Personne n'est parfait. J'ouvre les yeux de façon interminable. Je regarde le monde, mentalité déplorable. J'ai la voix qui se casse à force de crier mon agacement. J'écris quelques vers, espérant que mon message compte. Je suis pas mieux qu'un autre, même coriace. Je me confie à Dieu, je l'implore que la vie m'enlace. Je baisserai pas les bras de ma cave. Je suis dans la misère, mais sachez que je suis un brave. Personne n'est parfait, range tes liasses, libère ton esprit. J'ai la voix qui touche plus que ton estime. Je suis né dans la modestie, dans les vraies valeurs, celle d'un mec qui se bat dur pour une vie meilleure. Je crois en moi, crois en toi, ne critique pas, ne fais pas ça car tes gosses francs comme toi. Personne ici détient les rênes, mène avec une vie de rêve, car t'es tous les pieds sur terre. Tiens, personne ici peut dire qu'il est parfait, encore moins ceux qui font preuve de lâcheté. Le temps avance n'effacera pas nos excès. L'erreur est humaine. Personne n'est parfait. T'as beau dire que t'es riche ou minable, que t'as pas d'oseille ou que tu gères trop de nana. Les étoiles ne brillent pas que pour la gloire. Personne n'est parfait. Car on ne vit qu'une fois, pourquoi se mentir? J'ai fait des choses impardonnables pour m'en sortir. Noyer ma peine dans un rhum sec bien mutilé. Mon cœur n'y est plus à croire aux choses inutiles. À vouloir ressembler à ceux qu'ils ont percé. J'ai fini par comprendre que personne n'était parfait. Seul Dieu peut me juger, rien à me reprocher. Je n'ai pas le temps de me dire que j'ai déjà tout gâché. Rempli caché, ou d'aspirine. Le succès ne les rend pas tous invincibles. Étant pauvre, on veut être riche, tout liquider. Combien de fils de stars ont fini par se suicider? On n'achète pas la vie car c'est elle qui t'accueille. On est tous nés à poil, tous aura son cercueil. Personne ici détient les rênes, mène avec une vie de rêve, car t'es tous les pieds sur terre. Tiens, personne ici peut dire qu'il est parfait, encore moins ceux qui font preuve de lâcheté. Le temps avance n'effacera pas nos excès. L'erreur est humaine. Personne n'est parfait. T'as beau dire que t'es riche ou minable, que t'as pas d'oseille ou que tu gères trop de nana. Les étoiles ne brillent pas que pour la gloire. Personne n'est parfait. Personne ici peut dire qu'il est parfait, encore moins ceux qui font preuve de lâcheté. Le temps avance n'effacera pas nos excès. L'erreur est humaine. Personne n'est parfait. T'as beau dire que t'es riche ou minable, que t'as pas d'oseille ou que tu gères trop de nana. Les étoiles ne brillent pas que pour la gloire. Tout le monde partira. Personne n'est parfait. Personne ici peut dire qu'il est parfait, encore moins ceux qui font preuve de lâcheté. Le temps avance n'effacera pas nos excès. L'erreur est humaine. Personne n'est parfait. T'as beau dire que t'es riche ou minable, que t'as pas d'oseille ou que tu gères trop de nana. Les étoiles ne brillent pas que pour la gloire. Tout le monde partira. Personne n'est parfait. Yeah. Personne n'est parfait. Car seul Dieu détient les rênes. Personne. Personne. Je t'ai dit personne. Yeah. FASKO.